Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Sur la mer, le bateau d'Ulysse avance. Enfin, c'est un bien grand mot, car pour avancer, encore faut-il savoir où l'on va. Le roi d'Ithaque a les traits tirés, sa barbe est longue et puis... Entre nous, il ne sent pas vraiment la rose. Que veux-tu? Notre héros est fatigué, Ulysse n'est plus tout à fait l'homme qu'il était. Ses compagnons non plus d'ailleurs. Depuis qu'ils ont quitté l'île du Cyclope, 1000 fois ils ont bravé le danger, leur voyage s'est transformé en cauchemar. Certes, ils n'ont pas vécu que de mauvais moments. Sur le bateau, le soleil les a dorés comme de jolis croissants, ce qui fait ressortir la blancheur de leurs dents. Mais cela vaut-il la vie de tous ses camarades morts chez les Lestrigeons? Cela vaut-il l'affreuse tempête qui s'est abattue sur eux alors qu'ils arrivaient enfin tout près d'Ithaque? Non, certainement pas! Et tandis qu'Ulysse plonge ses yeux tristes dans le vaste ciel, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte, son bateau heurte un bout de terre ferme. Nos aventuriers viennent d'accoster sur l'île d'Ayayé. L'île d'Ayayay? Non, Ulysse. Ayayé. Crois-moi, c'est tout aussi terrible. Ici vit la dangereuse magicienne Circé. Attends, alors, pousse. 2 petites secondes. Non, mais t'es sérieuse? Après les lotophages et leurs fruits vraiment étranges, après l'affreux croqueur de cuisseau, maintenant des tours de magie magnifiques? Non mais, ça fait pas un peu beaucoup là? Oui, je sais, Ulysse, pardon. Je suis vraiment désolée, mais ce sont les dieux qui décident, pas moi. Oh, et puis zut! Il ne fallait pas énerver Poséidon. Voilà, allez, reprenons. Effrayé, abattu. Les Grecs restent couchés 2 jours et 2 nuits sans oser bouger. Le matin du 3e jour, le roi d'Ithaque reprend enfin du poil de la bête. Au liqueur, mes amis! Nous allons nous en sortir! Comme d'habitude, nous allons nous séparer en 2 groupes. L'un sera dirigé par Eurylock, l'autre par moi. Maintenant, voyons, qui partira en éclaireur? Oh, mais c'est l'occasion rêvée pour faire une petite plume! Oh, plouf! En fait, on peut dire les deux. Plume, plume, ça sera toi qui partira le premier. Oh, vraiment désolé, Eurylock. Ainsi, on a décidé la plume. Ton groupe bravera le danger en premier. Sans entraîner, Eurylock s'en va, la boule au ventre, accompagné par 22 camarades. Qui sait s'ils reviendront vivants? Et si oui, oh! Sous quelle forme? Ils traversent une forêt sombre, inquiétante. Enfin, ils arrivent devant le palais de la magicienne. Comment je l'ai reconnue? Eh bien, tout simplement parce que des lions et des loups se promènent tout autour. Tiens, tiens, au lieu de se jeter sauvagement sur nos aventuriers, ils s'approchent en remuant la queue. Ma parole, mais ils sont doux comme des agneaux. Oh, ils ont été ensorcelés, c'est sûr! À l'intérieur, Circé se met à chanter. Oh, ce qu'elle est belle! En plus, elle chante divinement bien, d'une voix qui touche les Grecs en plein cœur. Séduits, ils entrent. Oh, que faites-vous, pauvre fou? Seul le sage Eurylock décide de rester dehors. Et oui, il a flairé l'embrouille. La magicienne leur sert un verre de vin étrange qui contient de la farine, du miel, du fromage et, bien sûr, un filtre magique. Tous l'avalent d'une seule traite. Au même moment, elle agite sa baguette de pain. Mais non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je raconte? D'or, c'est une baguette d'or. Les Grecs, immédiatement, se transforment. Les mains deviennent des sabots, les nez des groins, ils rapetissent. Mon Dieu, non! Ils se sont métamorphosés en cochons! Paniqués, ils crient. Ce qui, dans leur nouveau langage, signifie « À l'aide !» Trop tard, les amis, trop tard. Vous êtes désormais de la chair à jambon. Hurlock, qui a suivi toute la scène, retourne au bateau en courant. Complètement sous le choc, il a du mal à parler. Magicienne, potion, cochon, croix, croix, c'est horrible! Je ne sais par quel miracle, Ulysse comprend le message. Vite, il saisit son épée et part à toutes jambes sauver ses camarades. Dans la forêt, il rencontre le dieu Hermès. Tu vas chez la magicienne, je suppose ? Lui demande le messager de l'Olympe. Alors, suis bien mes conseils. Mange cette herbe, elle te protégera de la dangereuse potion que Circé te fera boire. Et si elle cherche à te séduire, surtout, ne refuse pas ses baisers. Souviens-toi qu'elle seule peut libérer tes amis. Allez, maintenant, salut ! Sur ces mots, Hermès s'envole vers l'Olympe. Ulysse poursuit son chemin. Lorsqu'il arrive devant son palais, Circé le fait entrer. Comme prévu, elle lui propose son breuvage magique. Ulysse vide sa coupe en la regardant droit dans les yeux. Elle agite sa baguette. Il sourit. Rien ne se produit. Enfin, si. Ulysse tire son épée comme un tigre. Il bondit sur elle. Mais qui es-tu? Jamais aucun mortel n'a résisté à ma magie, crie-t-elle pour se défendre. Je t'en supplie, ne me tue pas. Laisse-moi plutôt te couvrir de caresses et de baisers. Accepter tes caresses? Répond alors Ulysse. Je ne suis pas contre, mais qui me dit que ce n'est pas une nouvelle ruse pour m'embobiner? Jure-moi par le grand serment des dieux que tu ne me feras aucun mal et que tu libéreras mes amis. La magicienne promet, Ulysse accepte ses baisers, puis elle libère ses compagnons. Oh, quelle joie de quitter enfin leur apparence de cochon! Oh, portez le groin, crois-moi, ouh, ça va 5 minutes! Puisque les cœurs sont à la fête, Circé fait servir un succulent festin. Le jour appelle la nuit, qui entraîne le jour et rappelle la nuit. Ulysse et ses camarades passent une année délicieuse sur l'île d'Ayayé. Un soir, la magicienne vient trouver notre aventurier. Ulysse, il est temps pour toi de rentrer à Ithaque. Mais avant, tu dois te rendre chez les morts, jusqu'à la demeure d'Hadès, le dieu des enfers. Là-bas, interroge l'âme de Tirésias. Lorsqu'il était encore vivant, c'était un grand devin. Il aura sûrement des choses à te dire. Et c'est ainsi qu'Ulysse et ses hommes retrouvent leur bateau. Les enfers ? Pense notre aventurier. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Sans compter qu'il n'y a sûrement pas d'auberge dans les enfers. Poussé par le vent, très vite, le navire atteint le bord de l'océan. Le ciel, tout à coup, se couvre de nuages noirs. C'est ici ! Lance Ulysse. Nous sommes arrivés chez Hadès. Et maintenant, comment trouver le devin Tirésias? Heureusement, juste avant de partir, Circé a tout expliqué à notre héros. Sur le rivage, marche jusqu'à trouver un gros rocher. Arrête-toi là, car sous la terre, à cet endroit précis, se jettent 2 rivières qui mènent directement aux enfers. Creuse un grand trou. Verse-y du lait, du miel, du vin et de la farine blanche. Puis, offre aux morts un agneau et une brebis noire en sacrifice. Tu verras, l'âme de Tirésias remontera à la surface et viendra à toi. Ulysse et ses hommes suivent le chemin indiqué. Après avoir accompli tous les rites sacrés, ils attendent. Une première âme s'approche. Puis, une seconde. Enfin, L'âme du devin Tirésias apparaît. Pourquoi, Ulysse, viens-tu ici dans l'obscurité et les profondeurs? Surtout, ne me dis rien. Ne me dis rien, laisse-moi deviner. Après tout, c'était mon métier. J'ai trouvé, tu souhaites rentrer chez toi. C'est très, très mal parti. Bon, écoute-moi bien. Lorsque tu arriveras sur l'île du Dieu Soleil, tu verras des vaches et des moutons sacrés. Surtout, n'y touche pas! Oh, sinon, bonjour les catastrophes, là. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Au revoir. Dans les veines d'Ulysse, le sang se glace. Les Grecs retournent jusqu'à leur bateau. Ils reprennent la mer sans prononcer un seul mot. Si je te disais qu'ils s'apprêtent à vivre la pire de toutes leurs aventures, me croirais-tu? Accrochez-vous, mes piquets, sans risque de secouer! Nos aventuriers s'approchent de l'île des sirènes. Les sirènes sont des monstres redoutables. Moitié oiseaux, moitié humaines, elles ensorcellent les marins en glissant dans leurs oreilles des chants. Magnifique. Celui qui se laisse séduire et accepte de les suivre est perdu à jamais. Qu'importe, Ulysse, tu le sais, est curieux. Il veut entendre. Pour protéger ses camarades, il bouche leurs oreilles avec de la cire, puis il se fait ligoter au mât du bateau avec des cordes extrêmement solides. Soudain, le vent tombe. Les sirènes arrivent. Ulysse, toi qui es la gloire de tous les Grecs, écoute notre chant. Rejoins-nous, Ulysse. Jamais notre héros n'a ressenti une joie aussi intense. C'est comme s'il était ivre, ivre de bonheur. Évidemment qu'il veut rejoindre les sirènes. Détachez-moi, bande de saucissons en sandales, crie-t-il à tous ses compagnons. Détachez-moi, laissez-moi partir. Heureusement, l'île s'éloigne. Et avec elle, disparaît le chant des sirènes. Les Grecs retirent leurs bouchons de cire. Ulysse est libéré de ses cordes. Hélas, ils n'ont même pas le temps de dire ouf que la mer s'agite. Les vagues montent et descendent. Le ciel se remplit de vapeur. Nos aventuriers sont coincés entre deux roches et pas n'importe lesquelles. Celles de Charybde et Scylla. Qui sont-elles? Eh bien, à ton avis, de créatures monstrueuses, extrêmement dangereuses. Quoi? Encore? Eh oui, Ulysse, encore. Scylla attaque en premier. Notre héros cligne des yeux. Sapristi, mais elle a 6 têtes et 12 pieds. Où trouve-t-elle toutes ses chaussures? Tandis qu'elle attrape quelques Grecs pour les dévorer, Charybde fait son apparition. Oh, elle est encore pire que Scylla, car elle avale la mer et tout ce qu'il y a dedans. L'eau est pleine d'écume, elle boue comme dans un gros chaudron. Lorsqu'enfin ils ont réussi à fuir ces deux horribles créatures, les Grecs arrivent devant la merveilleuse île du dieu Soleil. Ainsi que l'avait prédit le devin Tirésias, dont les prairies broutent de magnifiques vaches et de gentils moutons. Les compagnons de l'île sont affamés. Ils se jettent sur les animaux qu'ils font retirer à la broche. Oh, mamma mia! Exactement ce qu'il ne fallait pas faire! Ça sent la catastrophe à planer! Aussitôt qu'ils reprennent la mer, Zeus fait périr tous les compagnons d'Ulysse, puis il brise son bâton. Seul rescapé, effondré, il se laisse porter par les flots. Après bien des péripéties, il arrive chez le roi, Alkinos. Touché par les malheurs de notre aventurier, il décide enfin de le reconduire jusqu'à son île. Oh ! Jusqu'à Ithaque ? Ça veut dire que ça y est, 20 ans après son départ, Ulysse rentre enfin chez lui ! Youpi ! Oui, enfin. Minute, papillon. Des hommes affreux rôdent autour du trône. Ils pressent Pénélope de les épouser, enfin, de choisir l'un d'entre eux, car ils veulent s'emparer du pouvoir. Avec l'aide de son fils Télémaque et, bien sûr, de sa fidèle Athéna, Ulysse les zigouille tous, les uns après les autres. Débarrassés de tous les prétendants, Ulysse et Pénélope enfin se retrouvent. Mais le jour, horreur, malheur, s'apprête à se lever. Va-t'en, soleil, laisse ces deux époux se câliner. Heureusement, Athéna retient de toutes ses forces l'aurore aux doigts de rose. Les deux époux connaissent, pour leur plus grand plaisir, une nuit infiniment longue. Fini le temps de la guerre. Adieu les monstres, les tempêtes et les enfers. Ulysse a terminé son voyage. Il est redevenu un humain, c'est-à-dire un homme parmi les hommes. La plante que le dieu Hermès remet à Ulysse pour le protéger des pouvoirs de la magicienne Circé s'appelle le molly. Le molly n'existe pas dans la réalité. En revanche, on le retrouve ailleurs et pas n'importe où, dans la saga Harry Potter. Tu as envie de prolonger le voyage ? Bonne nouvelle ! Les Odyssées existent désormais en livre. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter.